petit garçon assis sur le banc du fond, loin du tableau et des leçons. Je préférais les filles aux cheveux longs et les fleurs à mes boutons. J'avais beau me taire, guetter Cécile et Claire, elle me demandait, mais enfin Pierre, où t'es-tu envolé? Je prenais mes ailes de fortune pour explorer ma demi-lune. Je jouais à cacher mes lacunes en rêvant à ma demi-lune. Premiers amours, je traînais le cœur très lourd. Je cherchais Cécile et Claire dans mes artères, oubliant les cours du soir pour m'aider dans mes retards. Et toujours elle m'écrivait, mais enfin Pierre, où t'es-tu envolé? Je prenais mes ailes de fortune pour explorer ma demi-lune. Je jouais à cacher mes lacunes en rêvant à ma demi-lune. Se sont mariés l'année dernière en juillet. Moralité à cette affaire, les filles ont du succès auprès des hommes, les pieds bien arrimés sur la terre. Je prenais mes ailes de fortune pour finir ma demi-lune. Je jouais à cacher à chacune que je les aimais une à une sur ma demi-lune.